Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Voici le Saint du jour par Louis de Beaumont, diffusé dimanche 4 septembre 2011 à 6h et à 14h. Les martyrs de septembre, qui sont fêtés les 2 et 3 septembre. Ces martyrs sont au nombre de 191. Ils furent massacrés en haine de la foi. C'est 2 et 3 septembre 1792. Parmi un millier de victimes, toutes tuées avec fanatique sauvagerie, ces deux jours à Paris par les révolutionnaires, ces 191 martyrs furent béatifiés en 1926 par le pape Pie XI. Le 10 août de l'année 1792, le roi Louis XVI, petit-fils et successeur du roi Louis XV, lequel roi Louis XV avait beaucoup de qualités de cœur et de jugement, de discernement avisé. Louis XVI donc, qualités qui eussent pu faire de lui, de Louis XVI, générer en lui les décisions qui auraient constitué le temps de son règne une réelle réussite pour la nation et le peuple de France, mais qui, hélas, pour le roi Louis XV, par asservissement à sa sensualité sans contrainte, hélas, avait amassé sur le règne de son successeur Louis XVI les orages de la désorganisation sociale dans l'effondrement des valeurs spirituelles. Le roi Louis XVI, né en 1754, avait 38 ans. Il était monté sur le trône 18 années plus tôt, à l'âge de 20 ans. Au tout début du règne de ce prince, Louis XVI, au caractère aimable, généreux et sensible, dont le principal souci était d'être sincèrement aimé de la population. Alors sa popularité était générale et on s'était, surtout parmi les gens de conditions modestes, les artisans, les cultivateurs, la petite bourgeoisie besogneuse, on s'était félicité de ce que ce jeune roi de 20 ans ait renoncé très officiellement à cette sorte d'impôt occasionnel assez lourd qu'était le don, le droit, dit, appelé, de joyeux avènements. Et il y avait aussi, parmi les mesures nouvelles très bien accueillies, il avait aussi créé, ou plus exactement réussi à enfin à fonder, un établissement de prêt sur gage, appelé Mont-de-Piété, à Paris. En fait, cette sorte de banque prêtant sur remise d'objets servant de gage, avait été imaginé par des religieux en 1462, des franciscains, et ceci afin de soustraire les gens modestes, les gens pauvres, les gens de très peu de ressources, de l'emprise très exigeante des usuriers. Et d'Italie, de Pérouse, de Savone, de Florence, cet exemple salutaire, avait tenté en France, d'abord les rois Louis XIII, puis Louis XIV, mais sans heureuse conclusion. Mais quand le jeune roi Louis le XVIe établit le Mont-de-Piété, c'est-à-dire le Mont de Charité, par lettre patente en 1777, la troisième année seulement de son règne, ce fut un réel et enthousiaste soulagement populaire. Mais hélas, par idéologie, l'origine religieuse et charitable de cette entreprise fit qu'elle sera, hélas, abolie, en son monopole bienfaisant, abolie par les futurs maîtres, ces intellectuels révolutionnaires, et un grand nombre alors d'usuriers ressurgirent alors, extorquant à nouveau le vœu du peuple, hélas. Le jeune roi rétablit également le fonctionnement des parlements, Parlement que son grand-père, Louis XV, en 1771, avait, par irritation devant les remontrances trop justifiées, des grandes robes, suivant l'expression en usage. Que le roi Louis XV donc avait arrêté en mesure absolutiste, et ceci sur le conseil de son nouveau chancelier, René-Nicolas de Maupeou, lequel était assez servilement et malencontreusement très soucieux, trop soucieux de plaire à la très inconséquente et scandaleuse maîtresse du roi, la ravissante et très dispendieuse Jeanne Vaubernier, comtesse du Barry. Et ce rétablissement des parlements, cour souveraine enregistrant les lois, les édits, les ordonnances, rassurant le peuple sur la bonne gestion du royaume et sur la sauvegarde de la justice, ce rétablissement des parlements conquit l'approbation générale populaire. Le peuple se félicitant en cœur de son bon roi, ce roi empli à l'évidence d'une affection très louable pour ses sujets. Et ce sont aussi des ministres appréciés par l'opinion publique pour leur réputation de compétence et d'honnêteté. Ces ministres qui vont être bientôt appelés par Louis XVI pour l'aider à gouverner, à la satisfaction déclarée de beaucoup dans les couches les plus influençables et hélas, hélas, bien versatiles de la population. C'est aussi Louis XVI qui, sur le plan de la politique internationale mondiale, sut pressentir, dès l'année 1778, la quatrième année de son règne, toute l'importance que l'avenir révélera primordiale, l'importance d'aider l'émergence de l'indépendance américaine. En effet, une confédération dite des États-Unis venait de se réunir sur les terres nouvelles, les terres d'Amérique du Nord, au-delà de l'immense océan. Mais il s'agissait des anciennes colonies anglaises soulevées contre le monarque anglais George III. Et le souverain britannique entendait retrouver toute sa domination sur ces colonies rebelles, qui paraissaient, hélas pour lui, lui échapper. Et le fils d'un pauvre fabricant de savon, un fabricant de savon de la ville américaine de Boston, est devenu d'abord ouvrier imprimeur, puis dirigeant une imprimerie importante, Benjamin Franklin, né en 1706, qui avait donc déjà 72 ans en 1778, et qui était depuis de nombreuses années très épris d'une politique sociale philanthropique et réaliste. Aussi, Benjamin Franklin, un scientifique avisé et ingénieux, inventant le paratonnerre, et envoyé Benjamin Franklin par ses compatriotes en députation en Angleterre, pour défendre leurs intérêts, de ce qu'il sut d'ailleurs à négocier habilement à diverses reprises. Et cette année 1778, Benjamin Franklin, venu à Paris, à Versailles, pour remercier le roi Louis XVI, de l'appui considérable qu'apportaient les forces de l'expédition de volontaires qui s'était formée sous le commandement enthousiaste du jeune aristocrate auvergnat de 20 ans, Gilbert Mottier, marquis de Lafayette, qui avait, de sa fortune personnelle, armé une frégate pour combattre ainsi aux côtés des Américains insurgés. Et Benjamin Franklin fut accueilli avec chaleur par le roi Louis XVI et aussi par la foule française, elle très sensibilisée à la cause américaine. Et Louis XVI signa un traité très officiel avec la nouvelle Confédération des États-Unis, la reconnaissant ainsi, cette Confédération, de ce fait, comme étant à la face du monde une puissance indépendante. Cela avait été naturellement ouvertement déclaration de guerre à l'Angleterre, et la flotte française remporta alors de multiples succès, nos vaisseaux attaquant victorieusement les navires anglais, tant sur les côtes d'Amérique qu'au large de nos rivages et dans les eaux anglaises. Cette guerre navale avait duré 5 années et l'Angleterre dut reconnaître en 1783, elle aussi, l'indépendance de ces tout nouveaux États-Unis. Le prestige international de la France était en un sommet. Mais nos pauvres finances, déjà dilapidées sans frein une quinzaine d'années plus tôt, par les caprices des maîtresses royales des favorites de Louis XV, s'ingérant, elle, audacieusement, en tant de domaine, que la faiblesse, hélas, la faiblesse voluptueuse du roi Louis XV, abandonnée ainsi au saccage de leur incompétence. Ces pauvres finances de la France venaient d'être en outre, mais pour de plus nobles causes, à nouveau gravement étriées par cette glorieuse fougue guerrière dans l'essor naissant des États-Unis d'Amérique. Il fallait, à l'évidence, tenter de raviver nos finances, de les stimuler, de dégager le trésor de cette sorte de naufrage. Et c'est un jeune et très adroit banquier de 44 ans, carné en 1732, Jacques Necker, originaire de Genève, et recommandé très très chaleureusement au roi par des personnages très sérieux. Ceci fit qu'il fut nommé le grave Jacques Necker dès 1776, c'est-à-dire 2 ans seulement après l'accession au trône de Louis XVI, il fut ainsi nommé Necker directeur général des finances. Et des mesures sont enfin décidées pour diminuer les charges publiques. Mais, 5 ans plus tard, le consciencieux Necker crut bon de publier, de faire connaître ouvertement le bilan, le compte-rendu, suivant son expression, le compte-rendu des dépenses et des recettes de la nation. Et il y apparaissait des sommes considérables, affectées bien vainement, à des somptuosités très peu utiles. Et le roi alors fut assailli de passionnées et de très inquiètes attaques contre le prudent Necker. Et celui-ci se vit Necker forcé de donner sa démission. Mais ses successeurs, n'ayant aucune fermeté, cette année de plus en plus déficitaire, 7 années plus tard, en 1788, Louis XVI rappelle alors le très populaire Jacques Necker. Valorisé aussi aux yeux du grand public Jacques Necker par sa charmante, sa fort belle et intelligente épouse, Suzanne, fille d'un ministre calviniste suisse, Curchaud de la Nasse. Suzanne Necker, extrêmement généreuse et secourable, avait depuis déjà 10 ans, depuis 1778, fondé et soutenu le très efficace hôpital qui portait son nom, l'hôpital Necker. Mais les fureurs intéressées alors redoublèrent parmi les ennemis de Necker, qui craignaient fort de voir disparaître, de voir s'éteindre, les grands avantages financiers dont ils bénéficiaient, privilèges sans cause autre que prestigieuse. Et le trop bienveillant et incertain Louis XVI, voulant ramener, croyait-il, le calme dans les esprits, renvoya à nouveau le dévoué Necker. C'était le 11 juillet 1789. 3 jours plus tard, une insurrection furibonde contre une forteresse, un château fort déjà ancien de 4 siècles, construit au milieu du XIVe siècle, de 1369 à 1383, en 14 ans. La Bastille, dont les incarcérations volontairement très discrètes, et ceci parfois d'ailleurs dans l'intérêt des familles. Mais la Bastille demeurait un symbole du pouvoir discrétionnaire, et nécessairement dès lors incontrôlé, pouvoir discrétionnaire du monarque, du roi. Car les esprits, les cœurs, les sensibilités étaient travaillés depuis de nombreuses années par les notions le plus généralement utopiques diffusé, publié par tout un mouvement littéraire et philosophique, en une germination séduisante sous la plume et la parole d'auteurs dont certains de très brillants talents, tels Jean-Jacques Rousseau, à la fécondité et au charme réel, mais hélas déviant, sans solidité, sur des errances spirituelles tronquées, infondées. Tel aussi, cet autre grand talent, François-Marie Arouet, à 22 ans. Arouet, devenu Voltaire, du nom d'un petit domaine appartenant à sa mère. Voltaire, dont l'intelligence aiguë et ciselée à l'éclat sarcastique, lui valut d'immenses succès, et ceci particulièrement auprès de tous ceux fort nombreux à l'heure, qui cherchaient à se libérer de toute contrainte autant morale, que surtout cherchant à altérer le sens des révélations bien exigeantes de l'Évangile. Et quant à Denis Diderot, qui était né à Langres, en Champagne, à la fin du règne de Louis XIV, en 1712, qui était fils d'un coutelier, et dès sa jeunesse épris des activités intellectuelles. Diderot, ayant un goût ardent des recherches littéraires et philosophiques, et qui voulut, dès son adolescence, se donner sans autre souci de participer à quelque métier susceptible de l'entretenir matériellement, se donner à la seule littérature, et se joignant rapidement à la compagnie corrosive de quelques jeunes chercheurs et hommes de lettres, dont certains d'un très réel et grand talent, mais le plus généralement animés d'un élan très amer et assez imprécis contre tout ce qui est appel et sœur de l'âme vers son créateur, et donc déterminé à s'enfermer, hélas, dans l'impasse du matérialisme. Et ceci avec un art extrême chez quelques-uns, et donc dès lors masquant la vacuité des propos et des conclusions sous le décor séduisant du mouvement brillant de l'expression. Et tous ces écrits très abondants, ces livres, ces essais, ces pamphlets, le grand projet de Diderot, façonné avec son subtil ami Jean Leblond, qui prit plus tard le nom de D'Alembert, projet de constituer les 28 volumes de l'encyclopédie, tout ceci les fit très abondamment connaître, soutenu qu'ils furent en outre, et très puissamment, par de très grands princes, soutenu ainsi par Catherine II, impératrice de Russie, et par Frédéric II, roi de Prusse, qui se flattaient, Catherine II comme Frédéric II, qui se flattaient, ces princes, d'une sorte de piquante préciosité, et de ce qu'ils pensaient être un raffinement d'esprit, en savourant les démesures, parfois scandaleuses ou provocantes, de ces intelligences fort déliées. Mais, qui les entraînait à leur insu, ainsi que d'innombrables lecteurs, qui les égarait, hélas, toujours davantage, dans la désespérance, cette désespérance sournoise d'une condition humaine. Vouée dès lors à l'absurde, enfermé sans issue dans la destruction inévitable de toute matière, enfermé aussi dans la contradiction inexplicable de son aspiration à la condition humaine, de son aspiration sans mesure au bonheur plénier sans fin et jamais obtenu. Ces fantasmes, ces idées de plus en plus ténébreuses, mais qui, avec une perversité plus ou moins consciente, s'affirmait, se déclarait « siècle des Lumières », concourait ainsi à une volonté manifestée et ouvertement déclarée de lutter contre ce message gênant, ce message divin de l'Évangile, contre la conséquence évidente de domination de soi-même, domination de nos pulsions excessives physiques et psychiques. Et ceci en prétendant libérer notre aspiration à la transcendance, la libérer de l'élan spirituel, pour déclarer libérer nos capacités d'ouverture, à une irradiation de vie divine, pour permettre l'invasion en nous, dont il ne voulait plus, l'invasion en nous de l'amour véritable, de l'amour don, et non pas de l'amour captatif. Amour captatif qui est un aspect de l'égoïsme et d'utilisation d'autrui dans le mépris de son bonheur. Cette hostilité, déclarée et donc désormais proclamée contre cette parole du Christ, cette parole explicitée, coordonnée au cours des siècles, établie à l'époque juridiquement dans les nécessités pratiques de la vie sociale et personnelle au cours des siècles. Ceci par son Église dans la succession des apôtres, soutenue et guidée au long des âges par l'Esprit divin, suivant la promesse formelle du Christ, tout ce que vous lirez et délirez sur la terre sera lié ou délié dans les cieux. Et cette hostilité ouverte, affirmée, engagée contre l'Église du Christ, les contraintes évidentes et certaines qu'elle recommande et qu'elle établit dans les mœurs et le comportement personnel, et ceci pour assurer le plus libre accès au respect de la vie spirituelle, cette hostilité venait de se concrétiser par un décret de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale formée des députés primitivement convoqués en états généraux, en ce décret du 12 juillet 1790, qui imposait ce décret à l'Église de France, une constitution civile du clergé. Et dès lors qu'il séparait l'Église de France de l'autorité pontificale de Rome, qu'il isolait l'Église de France et faisait de ses prêtres et évêques des fonctionnaires dépendants désormais du pouvoir politique. Il était ainsi réglementé que les curés de paroisse et les évêques devraient être élus par la population, ce qui livrait ses choix, ses élections, aux avilissantes concessions de la recherche de la popularité, et non plus basées sur les qualités spirituelles et apostoliques. Les ecclésiastiques seraient désormais salariés par l'État, et dès lors, évidemment, étroitement dépendants du pouvoir politique. Le clergé de France, en sa grande majorité, refusa de prêter serment de soumission à cette nouvelle constitution. Et la persécution, alors, se déclencha, s'organisa contre ces prêtres fidèles à l'Église catholique universelle, et qui dès lors furent poursuivis comme prêtres réfractaires, prêtres non assermentés et déclarés dès lors ennemis du peuple. Et voici que les troubles augmentant sans cesse, le désordre et la haine se déchaînaient, le peuple constamment surexcité par des idéologues dont certains ont de talents vigoureux comme Camille Desmoulins. Et son journal au titre bien bénin, Nouvelles de France et de Brabant, mais empli de verve dynamique et exaltant le déracinement des valeurs séculaires, dès lors affirmée étouffante. Le roi se laissa convaincre, alors, de fuir Paris où il se voyait de plus en plus menacé par la violence des manifestations, et de mettre ainsi sa famille à l'abri de cette agitation si périlleuse. Et persuadé que loin de cet étranglement de chaque instant où le contraignaient ses ennemis, il pourrait, pensait-il, pour le salut de la très grande majorité de la population, qui elle était évidemment bien bonheurée, elle, et qui était aussi effrayée de se trouver de plus en plus plongée dans le désordre, dans les brutalités, dans les excès, dans la violence. Il pourrait, espérait le roi, retrouvant en lieu sûr des amis et des fidèles courageux, et espérait-il habile, il pourrait espérer remplir à nouveau sa mission qu'il avait bien conscience de tenir du ciel, ainsi que ses éducateurs et son entourage lui avaient fait percevoir depuis sa prime enfance. Mais hélas, hélas, la maladresse du roi, la maladresse assez naïve et trop confiante, sa lourdeur, avait fait échouer, ainsi que des incidents imprévisibles, échouer ce plan, pourtant minutieusement élaboré, et ceci surtout par le très dévoué, par l'intrépide, par l'honnête et par le loyal, l'admirateur, loyal admirateur de la très fine et sensible reine Marie-Antoinette. Cet officier suédois, le comte Axel de Fersen, et le roi, est arrêté à 8 lieues au nord-ouest de Verdun, à Varennes. Il est ramené à Paris, et dès lors le roi, gardé à vue. Et bientôt, c'est l'empereur d'Allemagne et le roi de Prusse, qui eux sont ulcérés et effrayés par le sort du roi de France. L'empereur d'Allemagne et le roi de Prusse, qui se retrouvent au château de Pillnitz en Saxe, près de Dresde, et qui conviennent avec le comte d'Artois, présent à ces retrouvailles, le frère comte d'Artois, frère cadet de Louis XVI, qui conviennent dès lors de tout mettre en œuvre pour tenter d'éteindre ces troubles et ces violences en France, et ceci militairement par leurs forces armées, afin de rétablir l'autorité de Louis XVI, afin de le dégager de cet emprisonnement de fait. Et dès lors, une grave évolution psychologique s'amorce et va se développer cruellement dans l'esprit et les sentiments troublés et complexes des hommes politiques et des intellectuels qui, pour certains, par leur vif talent oratoire, par l'éloquence fougueuse et bien convaincante, et pour d'autres, par la vigueur stimulante de leurs écrits, de leurs pamphlets, de leurs journaux, ces politiques et ces intellectuels entraînent une petite minorité de violents et d'individus très excessifs à des sentiments de haine démesurée envers les privilégiés, envers tous ceux qu'ils supposaient vivre dans l'opulence et toutes les facilités, s'abritant sous le masque d'idéaux sublimes, tel l'idéal évangélique, mais dont le respecter, hélas, qui ne respectait pas les exigences de l'Évangile. Le mensonge intéressé des agitateurs creusait toujours plus avant le désarroi, un désarroi empli d'amertume, désarroi de misérables tentant ainsi de justifier leur prévisible et criminelle peut-être ivresse. Et puis voici que plusieurs mois plus tard, alors que l'on apprend que les forces armées, les troupes du roi de Prusse, s'avancent en territoire français, alors la patrie révolutionnaire est déclarée en danger le 11 juillet 1792. Et un mois plus tard, le roi Louis XVI, dont les agitateurs imaginent et proclament mensongèrement l'éventuelle trahison, soi-disant tramée avec les envahisseurs, le roi et sa famille sont alors enfermés en la tour du Temple. Une sombre geôle, cette tour du Temple, une ancienne fortification du monastère des Templiers, une tour construite au XIIIe siècle en 1212. Et puis, la nouvelle parvient à Paris, semant alors de grandes inquiétudes parmi les agitateurs. La nouvelle de la prise par les Prussiens de la ville de Longwy, qui n'est qu'à 80 lieues de Paris. L'excitation alors s'amplifie, les imaginations s'enflamment, et une grande crainte naît chez tous les meneurs et organisateurs de l'ivresse révolutionnaire. Ces troupes, certainement, vont continuer à marcher sur Paris. Et si elles continuent à être victorieuses, Alors, pensons, quand elles seront maîtresses de la capitale, alors elles seront guidées, dit-on, répète-t-on, par tous ceux, par les ecclésiastiques et les aristocrates, qui sont maintenant entassés dans les prisons, mais qui alors désigneront peut-être, pour être châtiés à leur tour, les révolutionnaires, dont ils affirmeront qu'ils auront été leurs persécuteurs. Et le mot d'ordre naquit alors et vola de section en section. Il fallait sans tarder faire prendre justice de tous ces conspirateurs et suspects, ces ecclésiastiques et ces aristocrates qui attendaient en nombre dans quelques prisons, qui attendaient de passer enfin en jugement, et qui, s'ils étaient dans quelque temps libérés et délivrés, deviendraient alors sûrement, affirmait-on, les bourreaux du peuple. Et le massacre odieux va commencer. Des groupes avinés et hurlants de quelques centaines d'individus seulement, mêlant en une haine diverse des personnages hirsutes, débraillés, visiblement la lie de la populace, mêlant ainsi à des silhouettes strictes et parfois élégantes d'adeptes des fantasmes philosophiques, fanatisés de rancœur contre les disciples et serviteurs du Christ et de son message d'amour inconditionnel et d'union divine dans le mystère de l'éternité. Et on savait que de très nombreux prêtres réfractaires aux asservissements légaux de ce serment qu'on exigeait du clergé, très nombreux prêtres venaient d'être arrêtés et emprisonnés. Et beaucoup de ceux qui marchaient maintenant vers les prisons se réjouissaient en leurs cris furieux de bientôt humilier, frapper, insulter ces victimes qui se vouaient à la douceur, à la patience, à la miséricorde de leur maître, le Seigneur Jésus, qui avait souffert sa passion. Et le 2 septembre 1792, vers 2 heures de l'après-midi, le canon d'alarme tonna, secouant les vitres, agitant les cœurs. C'était le signal. Le signal pour transférer, disait-on, de ces prêtres prisonniers vers les bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Enfermés et serrés en des charrettes, ces prêtres et quelques aristocrates furent alors abondamment hués, insultés, menacés durant tout le parcours. Et dès qu'on les obligea à descendre de leurs voitures et des charrettes, et ceci à coups de pique, de sabre et de couteau, ils furent ainsi massacrés sur place, dans la rue même. Et puis les assassins se ruèrent dans l'abbaye Saint-Germain-des-Prés elle-même, où d'autres prêtres et des laïcs étaient déjà enfermés. Et là, dans la salle des hôtes du monastère, une sorte de tribunal improvisé s'installa. On poussait les prisonniers en interrogeant sommairement les malheureux. Plusieurs forcenés, debout ou assis derrière une longue table, et dont le plus excité de ces forcenés semblait être un nommé Maillard, qu'on surnommait aussi, en ricanant gaillardement, le Tape-dur. Et l'interrogatoire était simple et parsemé d'insultes. « As-tu défendu le roi ?» Et au prêtre ont demandé: as-tu prêté serment ? » Et dans l'instant, la condamnation tombait. Et la victime massacrée sur place à coups de sabre. En cette boucherie périrent ainsi, en un hourvari dantesque, un hourvari de cris furieux, de coups féroces, de gesticulations sauvages, de sang gluant répandu, périrent ainsi 164 malheureux qui, dans l'effroi dominé ou sublimé, s'efforçaient, se voulaient jusqu'au dernier instant, rester dignes, fermes, et certains même fièrement narquois, et beaucoup, surtout pour les prêtres, doux, brillant et pardonnant. Et c'est environ une heure plus tard, en cette même après-midi du 2 septembre 1792, dans les bâtiments du monastère des religieux Carmes, non loin du palais du Luxembourg à Paris. Monastère des Carmes, transformé depuis peu en prison, car il avait fallu en effet créer de nouveaux lieux d'incarcération, toutes les prisons habituelles étant surchargées chaque jour de nouveaux détenus. Environ une heure plus tard, une tuerie similaire commença vers 4 heures. Les prisonniers, prêtres ou laïcs, sortaient des bâtiments dans le jardin du monastère pour respirer un peu d'air, pour se dégager de l'atmosphère méphitique des salles trop encombrées. Et quand ils entendirent des clameurs violentes et furieuses d'une foule se pressant, se bousculant dans la rue voisine, la porte du jardin fut aussitôt enfoncée bruyamment, et en troupe, hurlante, armée, brandissant des piques, des sabres, en troupe se ruant, se précipitant vers les prêtres. L'un des plus proches des assaillants, un abbé, l'abbé Giraud, devant cette irruption sauvage, et lisant paisiblement un bréviaire, et devinant bien sa fin très prochaine, l'abbé Giraud ne se détourna même pas, continuant avec amour, encore quelques instants, continuant son cher bréviaire. Il fut renversé d'un violent coup de sabre et traversé d'une longue pique. L'archevêque d'Arles était tout près, et il fallut 3 coups de sabre pour l'abattre. Et puis les forcenés, toujours vociférants, poursuivirent avec rage les prêtres dans tout le jardin, frappant, coupant, tuant, et s'engouffrèrent ensuite dans une chapelle où des prêtres priaient. Et là, ils taillèrent à bras furieux dans le vif. Un commissaire à l'écharpe déployée voulut monter un simulacre de tribunal. Et on poussa alors les prêtres encore vivants devant lui, dans le cœur de cette chapelle. Une seule question. As-tu prêté le serment constitutionnel ? Et sur les réponses négatives, « Allez, passez, votre compte est bon. » On tire, alors on pousse, on bouscule les prêtres. Vers un petit passage, vers un couloir étroit, un couloir qui aboutit à un escalier de quelques marches, ces quelques marches descendant au jardin. Et là, attendu, on les perce, on les taille, on les massacre. Un laïc, un aristocrate, le comte de Valfond, âgé de 45 ans, un ancien officier du régiment de Champagne, répond paisiblement quand on lui demande « Quel est ton parti ?» Il répond « J'appartiens à l'Église catholique, apostolique et romaine. » Et il est aussitôt abattu. Le soir de ce même jour, le 2 septembre 1792, à la prison de la Force, un appel interminable et lassant des prisonniers durait depuis plusieurs heures. Quand, brusquement, vers minuit, à la suite d'interrogatoires, commença alors le massacre. Une des plus humiliées et insultées parmi les détenus fut Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, que l'on savait une amie très sensible de la reine. Elle sut se montrer fidèle, la princesse de Lamballe, en sa loyauté très pure, et elle fut frappée à mort, décapitée, déchiquetée. Les prisonniers étaient saisis brutalement, entraînés jusqu'au guichet, jusqu'à la porte de la prison. Et là, une double haie d'une 60aine de bourreaux frappait sans relâche. Les cadavres, sanglants, coupés, déchirés, éventrés, étaient entassés les uns sur les autres dans les cris et les injures. Le lendemain matin, 3 septembre, dès 5h30 du matin, l'aube caressant encore délicatement la ville de brume légère. Ses équipes de haineux forcenés à demi ivres et acharnés à tuer, vociférant leur amertume, guidés, soutenus par de fanatiques disciples des nouveaux philosophes, arrivèrent au séminaire Saint-Firmin, entre la Seine et l'église Saint-Nicolas. Ils pénétrèrent dans le séminaire, tuant, précipitant les récalcitrants par les fenêtres. Parmi les laïcs, vivant amicalement hébergé par ses prêtres, était un ancien officier, chevalier de Saint-Louis, Jean de Villette, déjà âgé de 61 ans. Un gentilhomme d'une fervente piété, et qui avait voulu, qui avait choisi de partager la mort violente, le martyre de ses amis prêtres. Ainsi fidèle jusqu'au sang versé, ces prêtres unissant leur sacrifice à la sublime rédemption de l'humanité par le Sauveur Jésus. Et ainsi, dans leur mort acceptée par le sacrifice de ces martyrs, par l'héroïsme de leur offrande, ainsi l'amour véritable, l'amour venant de Dieu, l'amour divin. L'amour était ainsi. Et du fait de la haine cruelle de leurs bourreaux, du fait de toutes les haines, cet amour, l'amour divin, l'amour véritable, cet amour était enfin victorieux. Vous êtes bien à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et vous venez d'entendre le Saint du jour par Louis de Beaumont.